Chapitre 35e. 8 jours à passer en Amérique. Le Great Eastern devait partir le 16 avril et c'était le 9, à 3 heures du soir, que j'avais mis le pied sur la terre de l'Union. 8 jours. Il y a des touristes enragés, des voyageurs express, auxquels ce temps eût probablement suffi à visiter l'Amérique tout entière. Je n'avais pas cette prétention. Pas même celle de visiter New York sérieusement et de faire, après cet examen extra rapide, un livre sur les mœurs et le caractère des Américains. Mais dans sa constitution, dans son aspect physique, New York est vite vu. Ce n'est guère plus varié qu'un échiquier. Des rues qui se coupent à angle droit, nommées avenues quand elles sont longitudinales et streets quand elles sont transversales. Des numéros d'ordre sur ces diverses voies de communication, dispositions très pratiques mais très monotones. Les omnibus américains desservant toutes les avenues. Qui a vu un quartier de New York connaît toute la grande cité, sauf peut-être cet imbroglio de rues et de ruelles enchevêtrées dans la pointe sud, où s'est massée la population commerçante. New York est une langue de terre, et toute son activité se retrouve sur le bout de cette langue. De chaque côté se développent le Hudson et la rivière de l'Est, deux véritables bras de mer sillonnés de navires, et dont les ferryboats relient la ville à droite avec Brooklyn, à gauche avec les rives du New Jersey. Une seule artère coupe de biais l'asymétrique agglomération des quartiers de New York et y porte la vie. C'est le vieux Broadway, le Strand de Londres, le boulevard Montmartre à Paris. À peu près impraticable dans sa partie basse où la foule afflue et presque désert dans sa partie haute. Une rue où les bicoques et les palais de marbre se coudoient. Un véritable fleuve de fiacres, d'omnibus, de cabs, de haquets, de fardiers, avec des trottoirs pour rivage et au-dessus duquel il a fallu jeter des ponts pour livrer passage aux piétons. Broadway, c'est New York, et c'est là que le docteur Pitferge et moi nous nous promenâmes jusqu'au soir. Après avoir dîné à Fifth Avenue Hotel, où l'on nous servit solennellement des ragoûts lilliputiens sur des plats de poupées, j'allais finir la journée au théâtre Barnum. On y jouait un drame qui attirait la foule, New York Streets. Au 4e acte, il y avait un incendie et une vraie pompe à vapeur, manœuvré par de vrais pompiers, de la Great Attraction. Le lendemain matin, je laissai le docteur courir à ses affaires. Nous devions nous retrouver à l'hôtel à 2 heures. J'allais, Liberty Street, 51, à la poste, prendre les lettres qui m'attendaient, puis à Rolling Green, 2, au bas de Broadway, chez le consul de France, M. le baron Goldré-Boileau, qui m'accueillit fort bien, puis à la maison Hoffman, où j'avais à toucher une traite, et enfin au numéro 25 de la 36e rue, chez Mrs. R., la sœur de Fabian, dont j'avais l'adresse. Il me tardait de savoir des nouvelles d'Ellen et de mes deux amis. Là, j'appris que, sous le conseil des médecins, Mrs. R., Fabian et Corsican avaient quitté New York, emmenant la jeune femme, que l'air et la tranquillité de la campagne devaient influencer favorablement. Un mot de Corsican me prévenait de ce départ subit. Le brave capitaine était venu à Fifth Avenue Hotel sans m'y rencontrer. Où ses amis et lui allaient-ils en quittant New York? Un peu devant eux. Au premier beau site qui frapperait Ellen, il comptait s'arrêter tant que le charme durerait. Lui, Corsican, me tiendrait au courant, et il espérait que je ne partirais pas sans les avoir embrassés tous une dernière fois. Oui, certes, et ne fût-ce que pour quelques heures, j'aurais été heureux de retrouver Ellen, Fabian et le capitaine Corsican. Mais c'était là le revers des voyages, pressés comme je l'étais, eux partis, moi partant, chacun de son côté, il ne fallait pas compter se revoir. À 2 heures, j'étais de retour à l'hôtel. Je trouvai le docteur dans le bar-room, encombré comme une bourse ou comme une halle, véritable salle publique où se mêlent les passants et les voyageurs, et dans laquelle tout venant trouve gratis de l'eau glacée, du biscuit et du Chester. « Eh bien, docteur, dis-je, quand partons-nous ? Ce soir, à 6 heures. Nous prenons le railroad du Hudson ? Non, le Saint John, un steamer merveilleux, un autre monde, un Great Eastern de rivière. Un de ces admirables engins de locomotion qui sautent volontiers. J'aurais préféré vous montrer le Hudson pendant le jour, mais le Saint John ne marche que la nuit. Demain, à 5 heures du matin, nous serons à Albany. À 6 heures, nous prendrons le New York Central Railroad et le soir, nous souperons à Niagara Falls. Je n'avais pas à discuter le programme du docteur. Je l'acceptais les yeux fermés. L'ascenseur de l'hôtel, mu sur sa vis verticale, glissa jusqu'à nos chambres et nous redescendit quelques minutes après avec notre sac de touriste. Un fiacre à 20 francs la course nous conduisit en un quart d'heure au pier de l'Hudson, devant lequel le Saint John se panachait déjà de gros tourbillons de fumée.